Une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Kenza Farah. Passez une bonne soirée, bienvenue, une nouvelle semaine avec Kenza de retour dans Planète Rap, ça va? Très bien, merci, et toi? Je suis content de te retrouver. Bah moi aussi, ça me fait super plaisir. On est à 7 jours, une semaine avant la sortie, c'est le 29 septembre. C'est ça. C'est un album qui est important pour toi, celui charismatique, celui-ci? Exactement. C'est vrai? Très important, comme tous les albums, mais celui-là, bien sûr, encore plus, parce que voilà, il est nouveau, c'est le dernier bébé, il porte le nom de mon label. Mais oui. Et voilà, c'est plein d'anecdotes, plein d'histoires que je vais vous faire découvrir toute cette semaine. Il était long à faire celui-ci par rapport aux autres À peu près pareil, environ deux ans, entre For Love et Charismatique, environ deux ans. Bon, et le bilan alors entre ce For Love et celui-ci qui arrive la semaine prochaine? Ben, je suis très contente, honnêtement. For Love, c'est un très très bel album. On a fini sur une très belle date à l'Olympia, de très bons retours. Et puis après, ben, je me suis penchée sur ce cinquième album, donc Charismatique. Et voilà, je vais vous parler de ma méthode de travail, des compositeurs avec qui j'ai travaillé. Mais voilà, toujours le même entrain et toujours autant de plaisir de travailler ma musique. Bon, en tout cas, les gens sont là, ils te soutiennent. Hein. Je vois les messages arriver avec le hashtag Kenza Farah sur Skyrock. Allez-y, balancez la team Kenza Farah qui est là au complet, qui te suit. C'est vrai qu'il, même s'il a grandi à chaque fois au fur et à mesure que les albums sortent, il y a quand même une fanbase qui te suit, qui est incroyable, parce qu'il y a toujours plein de messages. Moi, je reçois beaucoup de messages en disant, mais quand est-ce qu'il revient Kenza? C'est vrai, j'ai beaucoup de chance. J'ai plein de soldats qui sont là avec moi, qui me suivent, et ça me fait super plaisir. Eh ben, ils sont là, en tout cas. Merci en tout cas, on voit vos messages qui arrivent. Je vous remercie beaucoup. On va débuter avec un morceau extrait de cet album. C'est un morceau qui s'appelle Il est. Exactement. Tu veux dire un mot justement, qui a bossé avec toi sur celui-ci? Il est, en fait, c'est un titre que j'aime beaucoup, que j'ai travaillé avec Canardo. Donc c'est lui qui a fait la prod. C'est un titre souriant, on va dire. Ça parle d'histoire qui arrive, je pense, à tout à chacun. Une histoire d'amour, un coup de foudre. Et voilà, j'ai divisé la chanson en trois parties. Il y a d'abord le il est avec le garçon, la fille qui tombe amoureuse du garçon. Le deuxième couplet, c'est une fille donc qui tombe amoureuse d'un garçon, un garçon qui tombe amoureux d'une fille. Et à la fin, ça m'arrive à moi aussi. Et le comme quoi, le coup de foudre, voilà, ça arrive à tout le monde quand on s'y attend pas, et c'est universel, c'est l'amour. Et voilà, c'est un titre que j'aime beaucoup. C'est extrait de Charismatique, l'album de Kenza, nouvel album qui sort lundi. Loupez pas, il est en précommande. On peut aller cliquer tout de suite, le récupérer, ou du moins le précommander et l'avoir parmi les premiers. Exactement. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer. Et on débute avec ce morceau, Il est. On attend toutes vos réactions avec le hashtag donc Kenza Farah sur Skyrock. C'est parti. Laisse parler tes pulsions. Vu comment tu le décris, je crois qu'il a tout pour plaire. Il a le regard qui tue, le regard revolver. Il te fait rire et attise ta flamme. Le gogol, mais bon, c'est ce qui fait son charme. Je vois que tu n'endors plus la nuit. Ton petit cœur s'emballe quand tu nous parles de lui. Envie de lui plaire, tu fais des efforts. Aux limites pour l'avouer, tu diras qu'on a tort. Je crois que t'es tombé dans son filet. Tu sais, t'es plus la même depuis qu'il est. Sur ta route, il t'a chamboulé la vie. Comment tu l'as fait, tu n'as pas su lui dire. Il t'a fait bégayer. Il est tombé sur ta route, il t'a chamboulé la vie. Il t'a dit comment tu l'as fait, tu n'as pas su lui dire. Il t'a fait bégayer. Il est Tu te souviens quand tu nous disais moi je resterai célibataire car l'amour m'effraie. Maintenant regarde-toi pour un rien tu ris. Tombé dans tes textos dans une autre galaxie. T'en deviens fou quand t'as plus de batterie. Tu te sens plus quand elle t'envoie des petits com. Et quand elle t'appelle baby love. Envie de lui plaire, tu fais des efforts. Limite pour l'avouer, tu diras qu'on a tort. Je crois que t'es tombé dans son filet. Tu sais t'es plus le même depuis qu'elle est. Elle est tombée sur ta route, elle t'a chamboulé la vie. Elle t'a dit comment tu t'appelles, tu n'as pas su lui dire. Elle t'a fait bégayer. Elle est tombée sur ta route, elle t'a chamboulé la vie. Elle t'a dit comment tu t'appelles, tu n'as pas su lui dire. Elle t'a fait bégayer. Qui s'appelle Ilay, que vous allez retrouver bientôt, là, la semaine prochaine dans les bacs, l'album de Kenza qui s'appelle Charismatique. C'est ça. Cinquième album. Oui, cinquième album. Donc Ilay, c'est le tout nouveau single. Et on a clippé. Voilà, oui, pareil d'ailleurs qu'il y a des images. Il paraît que vous avez trouvé dans le clip, non, même pas que vous avez trouvé, il y a le... Oh ouais, dans le clip, il y a Cédric, qu'on retrouve avec G-Fool tout à l'heure à 21h, on lui demandera d'ailleurs le tournage, il a un rôle de flic. Ouais, c'est un policier, exactement, donc il y a Cédric, un policier. Non mais en tout cas, c'était un très très beau tournage, donc j'ai hâte de... que le clip arrive. Il arrive quand? Dans la semaine? Ouais, dans la semaine, il est validé. Le clip arrive, il est très beau, très coloré. Et voilà, donc il est nouveau single de l'album. Mais un peu comme la pochette d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est vrai que toi tu es toute de rouge vêtue sur cette pochette. Il y a des très jolies photos, hein. Je dis ça pour ceux qui aiment bien avoir l'objet. Merci, je viens de le découvrir. Il y a une photo, découvrir. Une jolie petite robe blanche aussi. Merci, je l'ai découvert aussi. Bah oui, tu viens de l'avoir à l'instant. Ouais, exactement. À l'instant, donc ils sont là, ils seront bien dans les bacs lundi. Ils sont là, ils Et puis ceux qui aiment le digital, qui veulent l'avoir tout de suite, allez-y, allez cliquer. Exactement. C'est en précommande. Si on fait le point d'ailleurs, si on revient, on va faire un petit retour en arrière sur l'année 2007, ouais. Sur cet album qui s'appelait Authentique, ensuite il y a eu évidemment Avec le cœur, Trésor, For Love, ouais. Et puis le cinquième qui s'appelle Charismatique. Tu retiens quoi de toute cette aventure de Kenza? Ben, ce que je retiens de cette aventure, c'est un rêve, que je vis depuis quelques années. Je pensais vraiment pas avoir cette chance de faire autant d'albums, de vivre d'aussi belles choses, honnêtement. J'ai commencé toute jeune. D'ailleurs, l'album il s'appelle Charismatique. Il y a plusieurs raisons. Ben déjà, c'est le nom donc de mon label, le label qui a pas changé, qui sont à mes côtés depuis mes débuts. Et c'était Salut important. Abdel qui est là aussi. Exactement. C'était important pour moi de. Je savais en fait qu'un de mes albums s'appellerait Charismatique. Je savais pas lequel. Et finalement, c'est le cinquième. Et pour la petite anecdote. Quand j'ai commencé la musique, j'avais professionnellement 19-20 ans quand on m'a proposé de faire un album. Et j'ai rencontré donc Abdel qui m'a dit on va faire de la musique, etc. Et moi j'étais sortie de l'école. Pour moi juste un single déjà c'était énorme. Juste mon premier voyage à Paris c'était quelque chose de dingue, c'était un truc de fou. Quitter Marseille, les guinguettes de Marseille. Exactement. Et il m'a dit écoute, on va faire ce qu'il y a à faire, on va travailler, on va faire de la musique, ça par passion. Et il m'a regardé dans les yeux, je te jure véridique, et il m'a dit je te promets que tu auras minimum 5 albums. Et c'est pour ça que cet album, il fallait que j'appelle Charismatique. C'était aussi pour remercier toutes ces personnes qui sont là depuis le début, qui m'encouragent et qui ont cru en moi aussi. Mais donc, tu sais ce qu'on va faire, on va se rappeler justement, on a préparé un petit medley. Ouais, on n'a pas pu tout mettre, mais des titres essentiels de ta carrière. Et on va l'écouter maintenant sur Skyrock. Kenza sur Skyrock. Salut, c'est Kenza Farah dans Planète Rap. J'ai l'habitude d'avancer dans l'incertitude. J'ai gardé la même attitude, je n'ai pas mis les pour mon enfant. Planète Rap. C'est Kenza sur Skyrock. Check it out. Concentré, hein, mais il en manque. Est-ce qu'il en manque un d'ailleurs? Est-ce qu'il y en a en particulier que t'aurais Non, pas en particulier, mais c'est fou en fait. Et je m'en rends compte quand j'écoute que c'est. Il y a c'est plein de gros titres, plein de singles. Là, ça doit être le bordel maintenant pour les concerts en fait, Kenza. Parce que là, pour choisir les titres. C'est pas facile, mais de notre côté, ça fait un show, un gros show bien rempli et avec plein d'univers différents vu que j'ai évolué à travers tous les albums. Ça fait quand même. Ça va bientôt faire. 10 piges quoi, donc c'est cool. Il y a de la matière. Et puis l'aventure continue, puisque là c'est le cinquième album. Il arrive lundi prochain dans les bacs. On va le découvrir cette semaine. Tu veux nous présenter un peu qui y a aussi dans le studio? Ouais, ben là c'est vraiment la famille en fait. Il y a Abdel, mon producteur, manager depuis toujours, qui est là à mes côtés. Nabila, DJ. Voilà, il y a Nabila. Nabila, comment ça va? Qui est là avec moi. Ah, on t'entend pas Nabila? Voilà, on t'entend. Toujours là, voilà. Je suis là depuis le troisième album. Mais oui, je sais. Mais le cinquième. Et le cinquième aussi. On attend le sixième. Ouais, voilà, là on est en famille. On commence doucement, après on va avoir des invités. Bon, bah, il y aura du live aussi tout à l'heure à pas louper. On met un morceau peut-être de cet album charismatique. Ouais, Briser les chaînes. Exactement, on va mettre Briser les chaînes. On va commencer donc par les morceaux que j'ai un petit peu dévoilés sur internet. Il y a donc Briser les chaînes, c'est un très très gros titre que j'apprécie aussi beaucoup. J'ai eu la chance de travailler avec Redouane pour ce titre, qui est un très très très très grand monsieur, très grand compositeur, très grand producteur. En plus, lui qui a une histoire incroyable, il est parti du Maroc, il est en Suède, il s'est retrouvé aux États-Unis. Exactement. Il a produit pour Jennifer Lopez, pour Lady Gaga. Il a une histoire vraiment de fou et c'est quelqu'un de humble et voilà, il est juste super talentueux. Et il nous fera un petit coucou dans la semaine. Donc, très bien, bon, on saluera Redouane. Briser les chaînes, produit par Redouane, qu'on va écouter tout de suite. Allez, c'est parti, Kenza, notre invité toute la semaine sur Skyrock. lueur du jour qui se lève, sa voix qui m'appelle, un mot sur le bout des lèvres, je crois que je l'aime. Je le ressens, je désire, et pourtant tout nous sépare. Avec lui je veux m'enfuir, ça malgré tous les regards. Dans ma tête tout est chamboulé, dans ma vie il a tout bousculé. SOS, j'ai le cœur en vrac, je ne peux plus lutter. Mes pensées prises en otage, je suis désarmée. Son parfum m'envahit, stop, je ne peux plus mentir. Peu importe ce qu'ils en disent, je ne peux plus être prisonnière. Dans ma tête, tout est chamboulé. Et les chaînes à l'instant, Kenza avec nous entre 20 et 21. J'ai l'impression que c'est la Coupe du Monde en fait. Ouais, côté couché, j'ai l'impression que c'est le truc pour supporter la prochaine Coupe du Monde. C'est voilà, l'hymne déjà, vous l'avez fait. C'est sur supporter la vie en général. Supporter ça la donne, vie, voilà, ouais. Ça donne un coup de boost. Briser les chaînes, t'as tout écrit sur l'album ou ouais, tu t'es fait accompagner dessus? J'ai pratiquement tout écrit, ouais. Après, j'étais en studio avec Canardo aussi, mais j'ai pratiquement écrit tous les titres. D'accord, les musiques par contre c'est plein de producteurs, on l'a vu, il y a Canardo, ouais. Red One, Canardo, il y a Erize et The Magix. Voilà donc album avec plein de prods différentes. Voilà, j'ai encore changé un petit peu d'équipe de producteurs, j'ai voulu varier, comme à chaque album j'essaie de changer pour avoir des univers un petit peu différents. Et pour le coup là j'ai vraiment eu des très très très gros compositeurs et... toujours un plaisir de travailler avec des passionnés. Bon, on découvrira d'autres morceaux, des morceaux que t'as déjà balancés, hein, que ce soit Le Problème ou Le Yatayo qu'on écoutera dans quelques minutes. Yes. On va faire juste avant un petit vrai-faux, tu le sais, sur le net, on trouve tout et n'importe quoi, et des choses vraies, des choses fausses parfois. Yes. Donc, quand on tape Kenza Farah, qu'est-ce qu'on trouve ces derniers temps? Ouais. Bah, j'ai relevé différentes choses sur le net, tu vas me dire si c'est vrai ou faux. C'est nouveau tout ça. Ouais, bah, c'est bien, non? Fallait pour ouais, ton cinquième album. C'est bien, c'est bien. Voilà, donc vu sur le net, vrai ou faux. il paraît que tu t'es inscrit dans un club de patinage après ton émission sur M6 l'an dernier. Faux. Non, faux. J'ai même pas eu le temps de rechausser les patins. Bon, on va rappeler que tu as fait une émission de télé qui s'appelait le Ice Show, si je dis pas exactement, de bêtises. Exactement, ouais. Ice Show m'avait proposé. Où il fallait proposer une démo sur glace, quoi. Exactement, exactement. Un pari complètement, complètement fou. T'as jamais fait de patins au niveau, je parle un petit peu comme non, tout le monde. Non, voilà, vite fait, un samedi quand j'avais 13 ans. Mais c'était une très belle aventure. Mais rude, aventure. Tu t'es blessé et tout. Il y a eu des ouais, trucs. Ouais, mais c'est, j'ai des cicatrices qui partiront pas. Hein. Jamais. Jamais. Je suis marqué par je la glace. Je suis marqué à vie. Donc, mais par contre, t'as abandonné, t'as pas rechaussé les patins, j'ai ça t'a pas inspiré. J'ai pas eu le temps. Parce que je suis partie en tournée, en concert, l'album, le studio, j'ai pas eu le temps. Mais pourquoi pas cet hiver qui cet sait hiver, ouais. Qui sait, pourquoi pas en Norvège. Vous verrez Kenza faire du patin. À Tour Eiffel. On sait jamais. Vu sur le net, vrai ou faux, tu es la marraine de plusieurs assos caritatives. Alors, marraine, non. Parce que j'évite, on va dire, de d'endosser ce rôle qui est assez quand même important, où il faut vraiment s'investir. Mais tu donnes exactement des petits coups de main. Dans des occasions, je participe à des projets associatifs. Les thèmes qui me touchent particulièrement sont bien sûr les enfants, sinon l'Afrique, mais je me suis investie avec plusieurs associations, ça c'est vrai. Vrai ou faux, tu devais faire un duo avec Snoop? Vrai. C'est vrai? Ouais. Ça s'est pas fait. Sur le premier album, c'était fait, enregistré, il y a eu des problèmes de papier, de clairance, d'autorisation. Ah, sinon, il était enregistré. Ouais, donc d'autorisation. Ouais, il existe, mais il m'appartient plus, malheureusement, parce que entre-temps, j'ai changé un petit peu d'équipe, mais en tout cas, il existait. Très bien. Vrai ou faux, tu penses à te tourner vers le ciné? Pas spécialement. Mais j'ai vu, il y a quand même eu quelques courts-métrages qui ont été balancés. Ouais, en fait, ce qui a été balancé, c'était un CV. C'était un CV cinéma qui se fait sous forme de vidéo et je l'ai balancé sur le net. Après, c'est vrai que ça m'intéresse, mais pas pour n'importe quel rôle, on va dire. Et j'ai pas aussi la prétention d'être actrice. Faut vraiment que j'ai le temps déjà de prendre des cours, etc. C'est quelque chose qui me plairait, mais pas laisser la musique pour faire du cinéma, non. Donc pour l'instant, rien. Non. Rien de définitif. Non. Enfin, dernier vrai ou faux vu sur le net, Charismatique sera ton dernier album. Tu es fou, toi? Ça, j'y crois pas, moi. Mais non, en plus, tu nous disais, quand j'ai rencontré Abdel, qui m'a dit qu'on fera 5 albums minimum. Écoute, tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai repris le chemin du studio. Voilà. On n'y croit pas. Non, mais pas tout de suite. Là tu vas quand même un peu digérer celui-ci. Ça y est, j'ai déjà repris le chemin du studio. J'étais donc très, très énervé ces derniers temps. Ah oui? Très, très énervé. Très bien, donc ce sera certainement pas le dernier, mais il faut le récupérer lundi. Exactement. Dans les bacs, on passe quoi dans un instant? Les Yatayo? Ouais, Yatayo, exactement. Bon, ça, c'est un délire, ce morceau. C'est un gros délire, grosse prise de risque. C'est le premier titre qu'on a balancé. On n'avait pas encore de date pour l'album. C'était vraiment pour annoncer un retour, pour sonner un petit peu la sonnette d'alarme du. Annoncer le retour. Et Yatayo, ouais, gros délire. C'était, donc là, t'es quoi quand t'écoutes le son? T'es en studio? Yatayo, c'est complètement un truc de fou. On était en studio, on était tous fous à Marseille avec Canardo. Je sais pas ce qui s'est passé. On a pété un plomb. Je commençais à faire des yaourts. Donc dans des langues qui n'existaient pas. Et au final on a gardé plein de trucs. On s'est amusé. C'est prise de risque, la folie. Et puis voilà, c'est mon 5e album. J'avais envie de le faire, je l'ai fait. C'est pas maintenant, je veux pas être sur la retenue toute ma vie. C'est le morceau qu'on va écouter dans un instant. Voilà. Bah oui, exactement. C'est ta première expérience, ta première rencontre avec la drogue. C'est très bien, donc c'est une expérience. Voilà, c'est ça, j'avais envie de. Mais ça l'a fait. Bah, il était bien roulé, il était bien, bien gros celui-ci. Il y avait Canardo avec moi ce jour-là, donc je sais pas ce qui s'est passé. Et ben, on va l'écouter dans un instant, le morceau. D'ailleurs, c'est son anniversaire, j'ai fait un gros bisou, joyeux d'anniversaire. Ah bah, happy birthday, Canardo. Yes. Et on écoutera donc ce morceau qui s'appelle Yatayo. Bougez pas. C'est juste après la pub, le retour de Kenza sur Skyrock. Kenza Farah a choisi Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Kenza et l'album s'appelle Charismatique. Il arrive dans une semaine, dans 7 jours. Il sera avec vous dans les bacs un peu partout. Et puis déjà en précommande, on peut le récupérer, l'album de Kenza. Exactement. À découvrir cette semaine entre 20 et 21. On va écouter donc ce morceau qui s'appelle Yatayo. Exact. Tout de suite, c'était le premier extrait balancé. Hein. Ouais, premier extrait. De quoi dérouter un petit peu, mais c'était le but recherché vraiment. Et bon, on l'écoute juste avant. Petite question, chaque soir, on repart avec l'album dédicacé et l'album de Kenza Charismatique. Comment a été repéré Kenza Farah? C'est la question que je pose. assez simple pour ceux qui suivent le parcours de Kenza. Comment a été repéré Kenza? Allez-y, 41759, la bonne réponse avec le hashtag, Kenza Farah sur Skyrock. Et on balance donc ce Yatayo. Yatayo, c'est parti. Allez, coup d'envoi maintenant. Accrochez-vous. Voilà. Ce morceau, refais-moi le ding ding ding ding ding. Digi digi digi digi grande, tekni yatayo. Voilà. C'est moitié Ndou, moitié Kabil. Moitié... Ah oui, ben là, Azoul. Voilà. C'est extrait de l'album en tout cas, Yatayo, à découvrir sur l'album Charismatique qui sort lundi prochain, Kenza. Ouais, exactement, et ce titre il a été clippé, il est sur internet. J'ai eu la chance dans le clip d'être accompagné par Lilou, qui est un très très très grand danseur de Lyon, champion dans sa catégorie. Franchement, je lui fais des gros gros bisous. Et puis il a dansé avec beaucoup de monde, lui. Ouais, il a fait Madonna entre autres. Ouais. C'est un champion du monde, quoi. Et le gars il est trop trop fort. Et je l'ai eu dans mon clip pour une petite choré, donc j'étais trop contente. Et le clip il est disponible sur internet. Donc n'hésitez pas à cliquer. Et puis il y a un autre clip qui arrive là dans la semaine, le morceau que tu nous feras en live dans quelques minutes. Exact. On l'a mis pour débuter, il est. Ouais. On le découvrira en live dans un instant. J'étais en train de regarder les TT, ça se passe fort. Hein. Ouais, merci beaucoup. Il y a plein de messages. Les vous soldats de Kenza sont là. Mélanie, Sabrina, tu es troisième en ce moment. Madi, Provence 59, Aurélien du 13. Merci beaucoup pour tous vos messages. Ils arrivent, ils sont là. Et merci Yasmina. Continuez, ça défonce. Merci, franchement, vous êtes au top. Et si vous me donnez la force, c'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Donc merci, merci. Troisième en TT derrière, je déteste le lundi car, ok. Ah ouais, Zlatan, t'as mis un coup de nez. Très bien. Et enfin, vous trouverez le hashtag Kenza Farah sur Twitter. Merci beaucoup, vous déchirez. Continuez, Kenza, je te présente quelqu'un de Bondy du 9-3, c'est Jeff Lossa. Salut Jeff. Salut Skyrock, ça va? Ça va bien Jeff? Ouais, ça va, salut Kenza. Salut. En forme? Ouais, ça va, la pêche, on est là. Tu es prêt à rapper? Ouais. Est-ce que tu peux nous faire tout ça en 1:30 et tout déchirer? Ouais, c'est possible. Sinon, tu entendras, essayer, moins, tu entendras le gong. Le gong. Et la trappe qui s'ouvre après. Donc bon courage, Jeff Lossa, c'est parti. On t'écoute rapper, c'est l'heure du freestyle par téléphone. Jeff Lossa. On dit 93. Sur Skyrock, mon ami. Ok. On fait pas semblant, original, pas de ressemblance. Dégueulasse comme un mec de cité qui se détend derrière un trans. On t'a dit que c'était intense, mais nous on est tranquille pour l'instant. Rage pas sur moi le sage, je ne fais que suivre mon destin. Ultra killer instinct, 6-35-45, t'es eu. Pour ce vie, on l'a vu, donc de suite on s'est vu. Je me vois plus en Malcolm X que Bernard-Henri Lévy. Traverser le temps, comme un Jean Lévis. Toujours une petite permisto, tu connais. Crime sur le perrin, je commets. J'ai les crocs comme le croco sur mon polo. Soutenu par mon moron, je fais des punchlines un peu locaux. Salam alaikum, alaikum salam. Je passe le salam à mes ennemis, je mets du halal dans le haram. Que du vrai, pas de salade. Sur la rue, je me balade. Je rappe sous ordonnance, j'ai un flot de malade. Si le rap, c'est de la mettre. Quand ton cul t'es rempli de merde, tu devrais ôter ton wad. Un jour n'a pas besoin d'aide, il n'a pas besoin de comparse. Pour te faire tourner la tête, faire le mouvement d'un comparse. Aïe. Ok Jeff Lossa. À l'instant en freestyle, merci à toi Jeff. Y'a pas de soucis Octane. On peut te retrouver sur le net quelque part, vas-y, c'est le moment jamais. Alors, de balancer toutes Facebook, les infos. C'est ma page officielle, c'est Jeff Lossa officiel. Et Twitter, Instagram, Jeff Lossa. Très bien. Voilà, on a mis en préparation, on est sur le projet. Ok, yes. Et ben merci à toi Jeff Lossa. Bon courage, bonne chance. Merci. 13 et 93. 13 et 93, c'est ça. Ça n'a pas changé, toujours de rigueur. Et là, par contre, on va rester dans le 13 avec un morceau que t'as fait avec Jules, qu'on va écouter tout de suite. Ça aussi, il fait partie des morceaux qui ont été balancés là avant l'été. Ouais, un petit peu avant l'été, exactement. Le morceau s'appelle Problème. C'est un featuring avec Jules, donc qui est un artiste que j'apprécie beaucoup, humainement, artistiquement. Voilà, il est arrivé, il a eu un buzz énorme, il a fait le travail. Lui et son équipe, voilà, c'est une équipe acharnée. Il me rappelle beaucoup moi. Mais, et j'allais nous. Dire, c'est vrai qu'il y a une similitude là-dessus, parce exactement. Que lui a déjà balancé aussi pareil que toi les morceaux sur le net. Exactement. Et franchement, je suis très très très contente pour lui et j'espère que ça va durer encore longtemps, hein. Plein d'albums et plein de succès pour lui. Et le titre il s'appelle Problème, pareil, on a clippé sur Marseille, un titre assez simple et on parle des problèmes en général, le mal-être et l'envie de partir et les problèmes qui nous collent tout le temps à la peau. Donc voilà, Kenza Farah feat Jules. Et ben on le balance. C'est parti. Allez, c'est parti, il y a du live qui se prépare avec Kenza aussi. Ils veulent me voir tomber. magnétique. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Hey, hey. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je me fous de ce qu'ils disent. Je suis pas leur pinko. Trop de gens qui me critiquent et me demandent des photos. Je me fous de ce qu'ils disent. Je suis pas leur poteau. Trop de gens qui me critiquent et me demandent des photos. Problème, voilà la vie qu'on mène. On brûle nos vies, on court après le vent, trop c'est trop. Évitez les problèmes. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Le 29 septembre, Charismatique, 5e album, dans les bacs. C'est un truc de fou. Kenza avec Jules, les problèmes à l'instant, c'est extrait de l'album Charismatique. Yes. Tu voulais dire quelque chose? J'étais non, je suis interrompu contente. Dans ton souffle. Non, je suis contente. Voilà, et le clip est toujours dispo évidemment, le clip avec Jules sur Skyrock. Exactement. On va mettre maintenant un morceau avant de passer au live, Kenza, si tu veux bien, un morceau qui ouvre l'album. Ouais. Un morceau qui s'appelle 25-01-07, donc 25 janvier 2007 a priori. Exactement. Tu veux dire un mot là-dessus? Ouais, en fait, ce titre donc qui ouvre l'album, étant donné que l'album s'appelle Charismatique, je me suis mise un petit peu dans ma peau en fait, en 2007, dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, c'est-à-dire de quitter ma ville, de quitter ma famille, de devoir faire un choix, donc le choix de faire de la musique et de tout quitter. Donc je me suis mise en fait dans ma peau à cette période, et voilà, c'est un titre qui résume un petit peu ce que je pensais et les doutes et les craintes que j'avais à cette époque, et c'est raccord aussi avec le 25 janvier 2015. Oui, parce qu'il y a une date importante. Exactement, où il y aura donc une grande date, donc le Zénith de Paris. Donc voilà, c'est un petit peu aussi pour poser un peu des dates et revenir sur mon parcours, donc du début, du commencement, quand voilà. Mais j'ai 25 pris ma petite janvier, valise. C'est vraiment la date, enfin c'est une date précise, celle-ci, c'est le 25 janvier. C'était dans ces eaux-là, ouais. On m'a proposé un contrat en fin d'année 2006 et l'histoire a réellement commencé en début d'année, fin janvier 2007. Donc 25 janvier 2007 jusqu'au 25 janvier 2015. 2015, donc avec une très grosse date au Zénith de Paris. À pas louper. Zénith de Paris, 8 ans après. Exactement. Ça passe vite en même temps. Ça passe très vite. Tu les as vus passer ces 8 piges ou pas? Non, pas du tout. Je les ai pas du tout vus passer. C'est passé comme ça. Ouais. Bon, on écoute ce morceau, c'est aussi l'intro de l'album qui sort lundi dans les bacs. Kenza sur Skyrock. Marseille, le 25 janvier 2007. Mais aujourd'hui je prends le large. J'ai trop d'images qui m'emportent. Ne m'en veux pas si je ne suis pas cette petite fille sage. Mais on ménage, pardonne-moi. Ne t'inquiète pas si j'ai toujours la tête dans les nuages. Y'a rien de grave, je peux capter les notes. Les mecs, les boîtes, les thunes, tout ça, je te jure, ça m'est égal. En musique, mes vagues, je me sens plus fort. Jamais d'adieu que des au revoir. Il est temps de commencer le voyage. J'emporte mon cœur comme seul bagage. Je ferai toujours escale dans vos bras. Musique m'emporte. La musique seule me donne des ciels. Et si je m'envole, si je m'envole, garde l'essentiel. Hey, yeah. Désolé papa si parfois je parais distante. Ma pudeur me ronge, mon amour pour toi déborde. Je sais, je suis l'aînée, donc je me dois de montrer l'exemple. Fais-moi confiance, tu seras fier de moi. Ma passion m'anime et m'appelle, je t'en prie, n'aie pas peur. Je garderai mes valeurs, quoi qu'il en soit. Ne

précieux qu'un trésor. Précieux comme un Pink Star. Précieux comme un Pink Star. Précieux comme un Pink Star. Précieux comme un Pink Star. Je t'en tourne à trop couper le dos. Debout malgré les coups du sang. On n'a plus d'un tour dans nos poches. Laissez-nous briller, yeah, yeah. Coffre fort, puits de pétrole. J'ai de l'inspi qui coule à flot. Coffre fort, puits de pétrole. J'ai de l'inspi qui coule à flot. Faites dérouler le tapis rouge, mon sang en talons aiguilles. Défilé de single, c'est la remise des prix. Paillettes et strass, quand on arrive, on vous éblouit. Trop de succès, intouchable comme au Vinci. Vente aux enchères prévue pour la sortie du nouveau bébé. On m'a dit qu'il y a une mise à prix sur la tête de mon succès. Précieux comme un Pink Star. Précieux comme un Pink Star. Précieux comme un Pink Star. Précieux comme un Pink Star. Précieux comme un Pink Star. Précieux comme un Pink Star. Yeah. Stop, on a trop coupé le dos. Debout malgré les coups du sang. On n'a plus d'un tour dans nos poches. Laissez-nous briller, yeah, yeah. Marquez notre époque et évitez le pire. Entre rêve et peine, ils veulent nous pousser dans le vide. On a peur de personne, et ça allait leur dire. C'est pas de notre faute si tous les regards yeah. on attire. Stop, on a trop coupé le dos. Debout malgré les coups du sort. On n'a plus d'un tour dans nos poches. Laissez-nous briller, yeah, yeah. Précieux comme un Pink Star. Yeah. Yeah. Kenza à l'instant en live. On en reparlera de ce morceau. On en reparlera, il est aussi sur l'album. Merci, bravo, bravo, bravo. Merci. Pink Star à l'instant, yes. On va en reparler cette semaine, on rebalancera ouais, l'album. Exactement. Et ben voilà déjà cette première soirée qui touche à sa fin, Kenza. Ouais, mais c'était bien. C'était rapide. C'était rapide, mais c'était cool. Et puis on a toute la semaine pour découvrir l'album. Et voilà, il y aura plein de surprises et plein de gros titres. C'est un album que j'ai vraiment travaillé avec tout mon cœur, toute ma passion. J'ai pris du temps pour mes textes, pour mes mélos. Voilà, c'est un travail monstre. Et voilà, quand on il y a eu des doutes aussi sur l'album. Ouais, bien sûr, je pense. Il y a eu des doutes, il y a eu des choix. J'avais beaucoup de morceaux. J'ai dû choisir, donner le meilleur. Et voilà, quand on l'a entre les mains, ben voilà, tout est oublié. C'est que du bonheur. Et là, je suis très contente de pouvoir le partager avec le public. Là, il est là, mon bébé. Il est là. Ah, d'ailleurs, je voulais faire un gros bisous à ma sœur Kaina et à son mari Swan parce qu'elle a accouché. Donc, je suis tata d'une petite Jenna. Tata Kenza, c'est pas fini. Et après, mon autre sœur Asiba et mon beau-frère Abbas, qui ont aussi eu un petit garçon qui s'appelle Kassim. Donc, j'ai été deux fois tata là, dans l'espace de 15 jours. Et aussi, j'ai fait un coup de vieux. Hein, tata Kenza. Et ma sœur Anna et son mari Faisal qui se sont mariés il y a aussi une quinzaine de jours. Donc, voilà, c'était très mouvementé. Raconte tout. Et non, mais attends. Et comment va maman? Ouais. Ma mère, je l'aime comme trop. Comment elle va trop bien. Je sais qu'elle écoute l'émission à chaque fois. Ma mère, elle écoute. Là, j'ai fait un gros bisou. Ouais, ma mère, mon père, mes frères et sœurs, tout le monde. Gros bisous à tous. Et voilà, donc je suis trop heureuse. Et voilà, il y a la musique, mais il y a la vie aussi à côté. Et voilà, je suis heureuse et je suis contente. Bah, c'est bien, ça se sent en tout cas. Et on est content pour toi aussi. Merci. Voilà, et on salue toute la famille. Ah oui, toute la famille. Et c'est l'anniversaire de Samir Yeux. Donc voilà, joyeux anniversaire à Samir aussi. Eh bah, Samir Canardo, il y a des anniversaires exactement. Aujourd'hui. Exactement. Et Nahuilès Marie aussi demain. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Tu as un très joli bonnet de mariage. Voilà, c'est ça. Très réussi. Non, c'est faux. Non, c'est pas vrai. Donc voilà, que du positif. Et bah, tant mieux. Et l'album, il est là, il est lourd. On a travaillé, on vous offre de la qualité. On compte sur vous pour soutenir. C'est lundi dans les bacs et toute la semaine, je serai là pour vous le présenter. Et on précommande dès maintenant, on peut cliquer pour le récupérer. Charismatique. Exactement. On fait drôle sur le web. Merci, Abdel. Abdel, il y a une phrase de temps en temps voilà, qui sort, mais. Tu reconnais bien le producteur c'est manager. Ça. C'est direct. Allez-y. Allez, on fait tourner la roulette, c'est parti. Yep. Alors, qui a envie de jouer? Skyrock t'offre Sin City, j'ai tué pour elle, au ciné, plus ta nouvelle tablette tactile. Salut Hélène, du côté de Lille, ça va bien? Ça va et vous? Bah oui, je te présente Kenza, notre invitée toute la semaine. Hello. Bonjour Kenza. Bonjour. Ça va? Très bien, et toi? Ah ouais, je t'adore. Ah, c'est gentil, merci. Ah ouais, surtout la chanson avec avec Jules, les problèmes. Ah, les problèmes. Ah ouais. Ah, surtout, ouais. Tous les problèmes que t'as, Kenza, on t'adore. Bon, on fait tourner, Hélène, on fait tourner la roulette, c'est parti. D'accord. Allez, dès que tu veux, tu dis stop. La roulette tourne. Stop. Je sens du caractère chez Hélène. Ah oui. Ah ouais. Que quand ça gueule à la maison, tu l'entends à l'autre bout. Hélène ? Oui ? Eh ben, place de ciné pour aller te détendre. Sin City, j'ai tué pour elle. Il n'y en a pas une ni deux, mais quatre carrément. Et c'est pour toi, on t'envoie ça du côté de Lille. Yeah. Ah, merci. On te fait des bisous. Gentil. Ciao Hélène, petite dédicace, petit message. Oui, ben, je voulais passer une petite dédicace à mon homme, ma sœur, à Jonathan, à Benji et à Brianna du quiz de Fast Minute. Voilà, ben, c'est fait. Le message est passé. Et voilà, et puis gros bisous à Kenza Farah. Merci, gros bisous à toi aussi. Je t'en merci. Remercie. Ciao Hélène, merci Kenza, merci à vous tous d'ailleurs, que ce soit Abdel Nabila qui était là aussi avec nous. Ouais, merci. Qui j'ai oublié ? Ice au platine ? Ouais, DJ Ice au platine. Toi, t'es dans le ice show en fait, tu lâches jamais le truc. C'est ça, voilà. Tu lâches pas en fait. Ouais, voilà, exactement. Mais je crois que j'ai pas fini là, non ? Bah, si, on a fini là. On va retrouver Tifoul normalement si tout le monde est connecté. Je voudrais juste passer un petit coucou. Ça passe trop vite. Un petit mot pour Mohamed, Amine et Sam du 59. Eh bah, le message est passé, on les salue. J'ai entendu Samy, non ? Oui, ouais, tout le monde et on est là. Et je vous l'ai dit que dans mon futur clip, il y a le souci de Cédric, de Cédric le Belge, un policier. C'est le premier clip d'horreur. Mais t'as pas eu peur ? Mais je les ai vus après, les plans en fait. Ah, c'est ça. Peut-être que c'est lui. Il faut nous laisser la photo. En plus, il est en policier, c'est bien. Il y a une photo qui traîne. Je vais essayer de prendre une photo pour demain. Ah, il faut absolument que tu prennes une photo pour demain. Ouais, je vais vous ramener ça demain. La même tête et même corps. Non, il est un peu plus mince, mais il ressemble. C'est assez étonnant ce que tu nous racontes, Kenza, parce qu'on pensait que tous les sosies de Cédric s'étaient suicidés. Il en reste un à New York, c'est un policier. Et en fait, il en reste un à New York. Il est loin. C'est à New York en plus. Ouais, à New York. Oh putain. Il y en a partout des Cédric. Donc c'est un carré. Ouais, c'est un carré. C'est Cédric Carré. Je vois que ça fait beaucoup rire derrière. Donc il nous faut absolument la photo pour demain. Ouais, je vais vous apporter ça, je vais faire une capture d'écran du clip. Oui, tu nous fais ça et puis on en reparle demain soir dans l'émission. Pas de soucis. Merci Kenza. Pas de problème, il arrive en courant. Qui c'est qui arrive en courant? C'est Romano. Ah, Romano aussi, hop, il arrive en courant. Ah bah tu les vois. Ils arrivent. Une équipe de sportifs chez nous, tu sais. C'est ça, ils arrivent. À demain, gros bisous. À demain, gros bisous Kenza. Ouais, bisous. Très fort et on te retrouve demain à partir de 20h dans Planète Rap avec Fredo. Sûr, hein. Merci Fredo, merci Kenza, on vous embrasse et puis la radio libre, c'est parti dans un instant sur Skyrock. Ça démarre. Oh, mais ça va être chaud ce soir. Ça va démarrer avec Nicki Minaj, le tout nouveau Nicki Minaj. Tu fais pas des comment ça s'appelle, des belles filles Kenza? Ah, attends. Oui. Est-ce que tu connais les belles filles? Les belles filles? Oui, les belles filles, c'est comme les selfies, mais c'est pas tout à fait la même chose. Ah ok, non, je connais pas, dis-moi. Ouais, c'est quoi? Les belles filles, c'est selfie mais avec ses fesses. Ah d'accord, bah voilà autre chose. C'est un nouveau concept. C'est qui prend la photo? Ah bah c'est toi en général. Bah c'est toi. Comme pour un selfie. Ça doit être joli, ouais. L'angle et tout, ça doit être sympa, tiens. Non, je vous parle de ça parce que. Je vais vous laisser essayer. Ouais, bah tu peux nous en envoyer un aussi en même temps que la photo. Demande à Cédric. Ou à Fred, il a l'air motivé. Ah bah Fred et Cédric, pas de problème. J'ai eu l'occasion de m'exhiber plusieurs fois, donc une fois de plus, une fois de moins. Donc vous faites les belles filles et vous pouvez nous les envoyer d'ailleurs. Donc c'est les photos de vos fesses en fait. Oui, c'est ça. Habillé ou pas habillé, les deux marchent. C'est original. C'est la nouvelle grande monde, vous allez voir, vous allez en entendre parler. Je vous parle de ça parce qu'on a Nicki Minaj qui arrive là dans un instant. Donc oui, elle a des fesses, oui, effectivement. Ah bah, ok. Ah bah, il y a du matos. Ouais, tu m'étonnes. On s'ennuie pas. Hein. Ah ouais, on s'ennuie pas, ouais. Elle est parfaite pour les belles filles. Elle en fait un très beau d'ailleurs sur le début du clip d'Anaconda. C'est Anaconda qu'on va retrouver. Sinon, pour tout le reste, vous nous appelez 01 53 40 30 20 41 759 skyrock.fm. Les appeler Skyrock, c'est parti. Et on va voir. Qu'est-ce que c'est que ce mec? C'est quoi cette voix? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le mec craque. Non mais c'est les photos que vous nous envoyez déjà là. C'est... Bon, on vous attend en direct, Radio Libre, c'est parti. Et puis donc, Kenza le retour demain, juste avant 20h. Bisous à demain. Salut Kenza, salut Fredo, ciao.